la violence. Mais où est la violence? Qui sont les casseurs? Qui vous fait peur? La violence serait la force des faibles. Mais chacun combat avec ses armes, messieurs les bien-pensants. Et quand on est réduit à s'armer de patience, de détermination, on fait feu de tout bois et on saisit chaque occasion de jeter un pavé dans la mare de l'injustice et de l'incompréhension. Eh, ce n'est qu'une pierre de plus à l'édifice d'une certaine idée de la dignité humaine dans ce monde factice. Qui vous fait peur? Où est la violence? Qui sont les casseurs? Qui vous fait peur? Qui vous fait peur? Qui vous fait peur? J'ai vu comme une révolte de gueux, criant et hurlant la nuit, des revendications inarticulées qui jaillissaient des lèvres, tel un flot bouillonnant, comme le sang jaillit des coupures d'une gorge tranchée. Mais où est la violence? Qui sont les casseurs? Qui vous fait peur? Où est la violence? Qui sont les casseurs? Qui vous fait peur? Ceux qui brûlent leur cage? Et l'oiseau dedans? Et l'oiseau dedans? En novembre, les banlieusards, que beaucoup ne voulaient pas voir comme français, se sont fait barbus, terroristes, intégristes, pour tout défoncer. Au printemps, les étudiants remettent le couvert, ces glandus, ces glandeurs et autres futurs chômeurs seraient manipulés par de dangereux anarchistes et autres autonomes ou extrêmes gauchistes. La belle affaire, tous ces paumés aux idéaux consuméristes voudraient tous, Dixit les statistiques, voudraient tous, sans exception, des baskets, des bagnoles, des baraques et du pognon. Des baskets, des bagnoles, des baraques et du pognon. Où est la violence? Qui sont les casseurs? Qui vous fait peur? Où est la violence? Qui sont les casseurs? Qui vous fait peur? Où est la violence? Qui sont les casseurs? Qui vous fait peur? Mais après, il se passe quoi? On déconstruit? On reconstruit? On détruit? Qu'est-ce qui se passe? Et après? Et après, la violence? Le pire dans tout ça, c'est de croire qu'on a gagné. Qu'on a gagné quand il y a plus de 2000 jeunes, en majorité basanés, qui croupissent au cachot, embastillés. Embastillés pour avoir osé défiler, osé défier les forces des armées. Désormais prisonniers de mailles de filet, au moins aussi étroites que la vision du monde étriquée de notre gauche-droite. Des mailles de filet aussi lourdes et chargées que leur futur judiciaire casier. Des mailles de filet, aussi lourdes et chargées que la conscience de leurs bourreaux assermentés. Cette fange supplicière, aux bureaux irradiés de nos paroles incendiaires, aux barreaux incendiés de nos actes salutaires. Mais qui n'a jamais caillassé me jette la première pierre. Qui n'a jamais caillassé me jette la première pierre. Amnistie, Amnistie pour la révoltée de novembre. Amnistie pour la révoltée de mars. Amnistie pour la révoltée d'avril. Amnistie pour tous ces prisonniers politiques. Amnistions-les, messieurs les politicons. Sortons-les des bastions, admonestez vos propres flicaillons et administrons à notre république une putain d'extrême onction. Et après, on va retourner dans la rue, faire la fête avec ces jaunes, ces Johnny qui nous ont trahis. Ceux qui ont préféré stopper net le mouvement alors que la peur venait juste de changer de camp. La peur venait juste de changer de camp. La révolution ne sera pas télévisée, non, mais son enterrement, ses funérailles étaient bel et bien orchestrées et accompagnées d'une musique festive à souhait, d'une sono crachant les watts trop fort sur un air de motivé, motivé. Trop fort pour que se transforment les boulevards en dancefloor, se chloroforment pour mieux adoucir ou museler la rage de toute notre faune de sauvages. Et après, et après, certains tension s'apaise, pour que les vacances refroidissent les bras et se mêlent. Mais après les vacances, c'est la rentrée des crasses, monsieur le premier sinistre, pour tous ces enfants de la patrie, trop mal élevés, si mal élevés, qu'ils ne parviennent à être reconnus par leurs parents schizophrènes, ceux-là même qui préfèrent leur taper dessus la tête, plutôt qu'admettre qu'ils ont échoué. Que dire d'un pays qui frappe sa jeunesse, la réprime, la séquestre. Un pays effrayé par la créature qu'il a lui-même créée. Que dire de ce pays? Que dire de ce pays? Que dire de ce pays? C'est un pays perdu. Épitaphe. Cette lame de fond, j'en fais serment, un jour prochain refera surface. Viendra laver l'honneur bafoué, lavera aussi tous ses pavés, trop vite recouvert d'une plage d'indifférence. Cette lame de fond, j'en fais serment, un jour prochain refera surface. Merci.